légende urbaine. Yeah. Y aura toujours un truc qui nous pousse en arrière. Chaque fois qu'on casse un barrage, derrière y a une barrière. Pour affronter la vie, faut que tu sois d'humeur guerrière. Sinon le monde avance, à toi de voir si tu restes derrière. Y aura toujours un mec pour freiner tes projets. Parmi tes hommes de confiance, y aura peut-être un teutré. T'auras toujours une pulsion, une pression, une question, un doute, une urgence qui tente vers une action de ouf. Toujours un mec qui nous pousse en arrière. Chaque fois qu'on casse un barrage, derrière y a une barrière. Pour affronter la vie, faut que tu sois d'humeur guerrière. Sinon le monde avance. À toi de voir si tu restes derrière. Y'aura toujours un mec pour freiner tes projets. Parmi tes hommes de confiance, y'aura peut-être un teutré. T'auras toujours une pulsion, une pression, une question, un doute, une urgence qui te tente faire une action de fou. J'ai peur de personne, sauf du créateur. Mes yeux braqués dans le vide, tourmenté sur ma mort, ils veulent me jeter dans le vide. La vie m'incarcère et le chétal me piste dans ma triste. Si je prends des risques, j'sais que ça peut me coûter cher, frère. Je veux pas crever les yeux ouverts, visage pétrifié. Cœur de Azraïl, mes péchés me font chuter. J'ai le cœur scellé, la vengeance m'obsède. Trop de frères trahis par la rue prennent des douilles au coin d'une ruelle. À chaque coup bas, c'est le cœur qui s'emballe. Du mal à esquiver le vice du shaitan. Dur de rester calme quand l'honneur est froissé. Piétiné par un teutré, poussé par le blé. Yeah, t'as vu que tu perds tes proches en courant d'air dans les poches. C'est hoche pour toi, c'est là, c'est de squatter les portes. Malgré tout, je lâche pas, je m'accroche ici et là. Mes amis, ma famille. Y'aura toujours un mec qui nous pousse en arrière. Chaque fois qu'on casse un barrage, derrière y'a une barrière. Pour affronter la vie, faut que tu sois d'humeur guerrière. Sinon le monde avance, à toi de voir si tu restes derrière. Y'aura toujours un mec pour freiner tes projets. Parmi tes hommes de confiance, y'aura peut-être un teutré. T'auras toujours une pulsion, une pression, une question, un doute, une urgence qui te tente faire une action de ouf. Dans cette vie faite de violence, pas si facile quand on y pense. Vie de dit de délinquance, vie d'amis rien que des balances. Des altercations fréquentes, des ennuis en conséquence. On nous traite de délinquants, rien à foutre de ceux qui pensent. Écrase ton ego, voilà le son des New Lions. Squad Chico, lame de rasoir Nightwolf. C'est pour les mèches blondes du teuf lionceau qui s'est rangé parmi les placards bien de panthère. Bonjour d'Albert, et vous d'elle dans la street walker. Sur la main dans l'underground, détient le plus gros morceau. Dans le passé, l'émotion qui fait ton front. Sur le sol, t'as envie de poser. Protège tes rognons et tes dorsaux. Le pas de boue est blindé. Mon présent a une arme et des larmes sur la joue. La dounia a une prison, seule la foi dans des jours. Entre pleurs et dégoûts, moi je tends pas la joue. J'avance au jour le jour, chez nous trop, truc de fou. Vec, malgré ton mauvais état physique, ton proche te manque, mais tu n'obtiens pas de droit de visite. Tu résistes, persistes, malgré la tentation. Tu t'attristes, tu insistes pour débloquer ta situation. Ah, un truc qui nous pousse en arrière. Chaque fois qu'on casse un barrage, derrière y'a une barrière. Pour affronter la vie, faut que tu sois d'humeur guerrière. Sinon le monde avance, à toi de voir si tu restes derrière. Y'aura toujours un mec pour freiner tes projets. Parmi tes hommes de confiance, y'aura peut-être un teutré. T'auras toujours une pulsion, une pression, une question, un doute, une urgence qui te tente faire une action de ouf. On vit, on meurt, peu importe les erreurs. À chaque croisement, on éprouve la force d'artifice. Ces épreuves, c'est triste, qu'on perd un proche qui part avant son heure. Trop souvent, on souffre et choue, parce que trop souvent, on bouge. Des frais dans nos coins de la prime. Calibré, personne n'est à l'abri. J'aime être auprès de ceux que j'aime. Là quand y'a problème, solide face au système. Baisser les bras, la terre. A chaque action que tu tentes, la route est semée d'embûches. Même si tu risques, là c'est la route. J'aimerais toucher le ciel, mais j'garde mes pieds sur terre. Donc je t'en fais sur mes gardes. Ah, un truc qui nous pousse en arrière. Chaque fois qu'on casse un barrage, derrière y'a une barrière. Pour affronter la vie, faut que tu sois d'humeur guerrière. Sinon le monde avance, à toi de voir si tu restes derrière. Y'aura toujours un mec pour freiner tes projets. Parmi tes hommes de confiance, y'aura peut-être un teutré. T'auras toujours une pulsion, une pression, une question, un doute, une urgence qui te tente faire une action de ouf. Qui nous pousse en arrière. Chaque fois qu'on casse un barrage, derrière y'a une barrière. Pour affronter la vie, faut que tu sois d'humeur guerrière. Sinon le monde avance, à toi de voir si tu restes derrière. Y'aura toujours un mec pour freiner tes projets. Parmi tes hommes de confiance, y'aura peut-être un teutré. T'auras toujours une pulsion, une pression, une question, un doute, une urgence qui tente faire une action de ouf. Kyrie, c'est la légende. Si, on veut monter sans se faire descendre. Même si on a peu de temps pour se détendre. Parce que nos ennemis nous guettent le doigt sur la détente. T'inquiète, c'est Kyrie, c'est la légende. Si, on veut monter sans se faire descendre. Même si on a peu de temps pour se détendre. Parce que nos ennemis nous guettent le doigt sur la détente.